scénariste, Ndiko Manyanga. Rekuimana sur les Menzanonde, merci de rester branché sur notre antenne. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord l'essentiel. Grogne de certains commerçants du marché Jabé, chassés de leur stand pour être casés ailleurs sans aucune explication. Mais le commissaire de ce marché explique que cette décision a été prise pour une bonne organisation de tout le marché. L'expert en environnement, Bernard Sindaïhebura, appelle à la nouvelle réglementation de construction au bord du lac Tanganyika pour éviter des surprises après. C'est au moment où ce lac a débordé jusqu'au-delà de 150 mètres reconnu par le code de l'eau. L'eau manque cruellement dans différents quartiers du centre urbain de Kirundo. Et cette pénurie affecte aussi les écoles à régime d'internat et les élèves disent être fatigués car ils sont obligés d'aller chercher de l'eau dans les après-midi. Vous aurez les détails avec notre correspondant sur place. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. On ouvre ce journal et par la page environnement, il est important de revoir certaines dispositions du code des Burundais de l'eau. Le professeur Bernard Ndaïhebura, expert en environnement, donne l'exemple des 150 mètres exigés pour des constructions sur le littoral du lac Tanganyika. Pour lui, les constructions doivent être réglementées et l'on doit se servir des données historiques pour éviter des surprises après. C'est après que le lac Tanganyika est débordé, inondant les quartiers périphériques. On écoute l'environnementaliste Bernard Sindaïhebura au micro de Francine Deokoukaji. À titre de rappel, donc ce code de l'eau a été mis en place depuis 2012. Ça a été donc mis en place, c'est vraiment d'ailleurs une très bonne chose parce que pour nous, on a pris 150 mètres, alors qu'à côté, en RDC, ils ont pris 100 mètres. Mais au Burundi, quand même, on a commis aussi également une erreur parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'on appelle les données historiques. Ailleurs, en matière de la planification, on utilise les données anciennes, historiques, d'ailleurs, c'est une période de 100 ans. Où est-ce que le niveau de l'eau avait atteint, c'est une période de 100 ans? Donc, en général, on devait utiliser les données de 1964, c'est-à-dire la cote 777,08, et utiliser aussi également la cote où le lac doit atteindre également cette année. Donc, je pense que désormais, il faudra revoir ce code de l'eau aussi également et ajouter l'altitude en dessous de laquelle il faudra interdire la reconstruction ou mettre en place ce qu'on appelle les constructions réglementées. Ailleurs, on les fait. Donc, ou bien les constructions sous condition. Actuellement, si on avait respecté ces mesures et sans construire anarchiquement, on allait voir ce que nous sommes en train de voir parce que les pertes sont considérables. Il y a les hôtels, il y a les plages qui ont totalement disparu, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on devait faire une évaluation du coût lié à l'inaction parce que, en général, franchement, je pense, il ne faut jamais aussi dire que c'est le gouvernement qui n'a pas réagi. Mais cela, quand même, je pense que ça devrait aussi aider les décideurs politiques à prendre donc les solutions qui sont durables pour éviter aussi des surprises après. L'actualité continue sur Sanganiro, cap sur Kirundo, où la pénurie d'eau dans différents quartiers du centre urbain de cette province affectait beaucoup les établissements scolaires à régime d'internat. Les élèves perdent énormément du temps à la recherche de l'eau, surtout les après-midi. Ces derniers signalent qu'ils sont fatigués de cette situation qui est devenue comme une habitude. Les parents s'inquiètent de leur sécurité et signalent que le rendement sera considérablement réduit. Abraham Safari pour plus de détails. Cette pénurie d'eau au centre urbain de Kirundo ne date pas d'aujourd'hui. Les établissements en régime d'internat sont également touchés. Les élèves des lycées Kanya et Kirundo éprouvent des difficultés car ils sillonnent les quartiers du centre urbain de Kirundo à la recherche de l'eau. Les élèves du lycée Kanya nous ont témoigné que maintes fois ils prennent le repas mais ne parviennent pas à avoir de l'eau à boire. Ces derniers signalent qu'ils sont fatigués de cette situation car certains peuvent effectuer plus de 3 km avec des seaux remplis d'eau sur la tête et cela se répercute sur les moments de révision, surtout pendant la soirée. Les parents qui observent les mouvements de ces élèves, soit dans les quartiers, soit dans les voiries, s'inquiètent beaucoup de leur sécurité et pensent que cela va également affecter leur rendement à l'école, et cette version est partagée par les enseignants. Ils demandent à la régie des eaux de fournir de l'eau suffisante à ces structures qui hébergent plusieurs personnes pour éviter les maladies d'eau minsale. À la régie des eaux, ils nous ont dit que le problème est dû à l'insuffisance d'eau en général, et cela, ont-ils continué, fait que certains quartiers puissent avoir de l'eau et les autres en sa pénurie, y compris même ces écoles à régime d'internat. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Revenons sur Bujumbura, la capitale économique, pour parler commerce. Certains commerçants du marché de Jabé, à Marie de Bujumbura, se plaignent d'avoir été chassés de leur stand sans raison. Mais les responsables de ce marché expliquent qu'il ne s'agit qu'un déplacement lié à l'extension de ces stands pour une bonne organisation de tout le marché. Selon Berkimas Kababamungo, commissaire du marché de Jabé, le point avec Jean-Marie Mayong. Ces commerçants qui ont des places au sein du marché Jabé signalent qu'ils ne comprennent pas les raisons de les déplacer dans les autres places au sein de ce même marché, alors qu'ils travaillaient et payaient des impôts comme il faut. Ils disent que les responsables du marché distribuent ces places aux autres. Celui-ci explique qu'il a trouvé que sa place a été donnée à une autre personne et approché le représentant des commerçants. Il lui a précisé que c'est un programme du gouvernement et que cela est fait dans le cadre de bien organiser le marché. Ma place était dans ceux qui vendaient les chaussures. Et par après, quelqu'un m'a téléphoné me disant qu'elle est donnée à une autre personne. Quand j'ai approché le président des commerçants, il m'a dit que c'était un programme du gouvernement d'organiser le marché. Que chaque personne qui veut la grande espace en trouve. De votre côté, vous allez avoir une autre place qui vous convient. De l'autre côté, d'autres commerçants saluent ce travail et disent qu'ils avaient souhaité cela depuis longtemps. Kabavamo Jean Berkimas, le commissaire du marché Jabé, explique que suite à des places trop étroites dans ce marché, il a fallu que ceux qui ont demandé d'étendre leur place de travail et qui ont des moyens d'occuper les grandes places reçoivent ces places au sein de ce marché, également que les produits de même catégorie se mettent dans une même place. Nous leur avons expliqué qu'aucune personne n'est chassée dans sa place au sein du marché, mais que c'est un programme d'étendre les places parce que ici, au marché de Jabé, les places étaient trop étroites. Si un commerçant demande d'étendre sa place, on le fait pour lui. Autre chose, aujourd'hui, au marché de Jabé, on ne distribue plus une seule place, plutôt deux combinées. Le marché de Jabé, depuis qu'il a été réhabilité, le commissaire précise que jusqu'à aujourd'hui, ils ont ajouté plus de 250 places inoccupées sur les 700 places fonctionnelles. Isanganiro, la radio de l'avenir. Cap sur Kayanza, où les jeunes de cette province, à majorité des chômeurs, se sont regroupés au sein de la coopérative Ninibe de Kouronmngete, qui vend des unités et de la monnaie électronique, disent se réjouir qu'avec l'épargne et le crédit, ils réalisent des projets de développement. Diane Sengiumva, représentante du mouvement coopératif et associatif en province Kayanza, demander aux autres jeunes en situation de chômage à prendre pour modèle les membres de cette coopérative pour se créer eux-mêmes d'emplois. Les détails avec Patrick Sengiumf. Cette coopérative Ninibe de Kouronmngete, qui regroupe des jeunes à Kayanza qui vendent des unités de recharge et de la monnaie électronique, a commencé ses activités en 2021. Certains des membres de la coopérative apprécient positivement que les activités d'épargne et de crédit qui se font au sein de cette coopérative leur permettent de se développer. Ils disent que non seulement ils trouvent de l'argent pour assurer la survie de leur famille, mais aussi qu'ils trouvent des moyens pour réaliser des projets agro-pastoraux de développement dans leur ménage. Ce jeune regroupé au sein de la coopérative Ninibe de Kouronmngete appelle d'autres jeunes d'Aïla Kayanza à se regrouper ensemble afin de se créer eux-mêmes d'emplois au lieu de croiser les bras. Irénée Nirandekula, président de la coopérative, indique qu'à part la vente des unités de recharge et de la monnaie électronique, la coopérative qui les représente dispose aussi dans ses biens en bus de transport. Il fait savoir toutefois que les problèmes ne manquent pas surtout les membres de la coopérative qui contractent des crédits au sein de la coopérative et qui ne parviennent pas à liquider facilement ses prêts. Diane Senghiouva, représentante du mouvement coopératif et associatif en province Kayanza, apprécie positivement les activités de cette coopérative de jeunes et demande également à la représentation de la coopérative de travailler dans la transparence. Quant aux autres jeunes à Kayanza, Diane Senghiouva leur demande de prendre pour modèle ceux-ci membres de la Nini Bedoukoura Noumouéti. Depuis Kayanza, Patrick Senghiouva pour la radio Sangani. Patrick Senghiouva, dernier dossier de ce journal, les parlons santé. Il faut que le test de paternité ADN soit à un prix abordable à tous. Suggestion donnée par des participants au cours de cette semaine lors d'une conférence débat sur l'établissement de la paternité d'un enfant naturel au Burundi. Ces participants ainsi que les spécialistes en code des personnes et de la famille Alexis Manirakiza trouvent que cela faciliterait de trancher les conflits des cas de désaveu de paternité. Le point avec Ornella Mucho. Lors de cette conférence, des participants sont revenus sur les conséquences observées chez les filles dont les auteurs ont contesté leur paternité. Cette participante propose à l'État de prévoir un fonds de solidarité destiné aux tests de paternité ADN pour ces cas de désaveu de paternité. Et nous avons entendu que l'État projette de réviser le code des personnes et de la famille. Alors nous demandons à l'État d'insérer dans cette loi en révision que le test ADN soit légal. Pour ces hommes qui ne veulent pas reconnaître les enfants. Je veux dire, le test en soi coûte cher, mais l'État devrait prévoir un fonds de solidarité pour aider ces filles ou mères dont leurs enfants ne sont pas reconnus par leurs auteurs. Et ce fonds va aider dans le test pour établir la paternité. Je demanderai également que si ce test révèle que tel auteur est le vrai père prétendu, qu'il soit puni et qu'il rembourse l'argent dépensé pour faire ce test. Alexis Manirakiza, spécialiste en code des personnes et familles, indique que le test ADN est le moyen efficace pour trancher ces conflits. Oui, je pose cette idée puisque le test ADN va faciliter l'établissement de la paternité. Avoir les moyens de payer ce test n'est pas facile. D'où il faudrait peut-être penser à des moyens de subventionner ce test. Pour que ce test soit plus ou moins moins cher. En tout cas, c'est plus d'un million de francs. Pour un million, ce n'est pas peu. Pour dans l'économie actuelle que vous connaissez tous. Ils le disent au moment où le ministre de l'Intérieur avait annoncé au mois de juin de l'an 2023 qu'aucun enfant de père inconnu ne sera enregistré au Burundi. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rikouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Le lac Tanganyika, indomptable, titre Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. En effet, explique ce confrère, les eaux du lac Tanganyika gagnent du terrain. Depuis la fin de l'année 2023, on assiste à une montée fulgurante des eaux du lac Tanganyika. L'érosion côtière, ponctuée par des inondations sporadiques, menace sérieusement les infrastructures riveraines du lac Tanganyika, les quartiers Kiwenga, Kizingwe, Nyabugete, Kajaga et une partie de Kinindo-Ouest étant parmi les zones les plus touchées par les crues du lac, souligne encore ce journal. Cette situation est aggravée par les crues des affluents des eaux du lac, car la montée du lac bloque les eaux des rivières qui s'y déversent, ce qui provoque des inondations dans les régions côtières. Et le pire est à craindre avec la grande saison pluvieuse qui s'annonce dans les prochains mois, a alerté Bernard Sindai-Hewura, expert en environnement en aménagement du territoire et professeur à l'Université du Burundi, cité par cet hebdomadaire socio-économique. Tout le monde est coupable, titre La Voix de l'enseignant, à la suite de la publication d'un article sur la radio-télévision Isanganiro concernant la qualité des apprentissages et la transmission des connaissances par les nouveaux enseignants recrutés pour remplacer les départs massifs à la retraite et combler le manque d'enseignants. Son confrère écrit que les opinions convergent sur la responsabilité de tous sur la qualité du système éducatif burundais. Il faut d'emblée évoquer les concepteurs des programmes qui ne les évaluent pas, les conditions de vie et de travail des enseignants, les conditions d'apprentissage des élèves, les équipements, etc. Son confrère partage les propos d'un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, qui confia à ce dernier ceci, je cite, « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faudra attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre. » Fin de citation. Lancement officiel d'un roman écrit par un élève burundais, rapporte l'agence burundaise de presse, précisant que l'événement a eu lieu le 11 mars 2024. Et ce roman intitulé « Les étoiles dans les brouillards » a été écrit par Mademoiselle Marie-Leslie Elina Nishimwe, âgée de 17 ans et élève à l'école française. Le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a promis d'aider cette jeune fille à faire le dépôt légal de ce roman dans les différentes bibliothèques publiques du Burundi et dans le Centre de Recherche et de Lecture pour que les autres jeunes Burundais puissent connaître et lire ce roman. Ce quotidien souligne que l'auteur du dit roman, Mademoiselle Nishimwe, a aussi indiqué qu'elle a été inspirée des idées de Gustave Thibon, qui dit que la déception ne doit pas être un mur qui nous renvoie à nous-mêmes, mais un fleuve qu'il faut franchir pour passer du côté éternel des choses. Terminons cette revue de presse par cette information rapportée par Net Press, à savoir qu'un enfant a trouvé la mort suite à un incendie d'un bidon d'essence caché. Des sources d'informations concordantes rapportent que dans la commune de Gihanga, en province de Bubanza, un enfant a trouvé la mort dans la matinée du 14 mars suite à un bidon d'essence qui est parti en fumée dans une maison sise à la 5e avenue de la commune Gihanga, écrit ce journal. Selon les mêmes sources, poursuit son confrère, celui-ci était caché dans la cuisine par un chauffeur de taxi-voiture. L'enfant, âgé de 12 ans, y est entré pour allumer le feu afin de faire la cuisine. C'est à ce moment que le feu s'est déclaré de façon brutale à partir de ce bidon. L'enfant a trouvé la mort juste après son arrivée à une structure de santé tout proche. Le chauffeur a pris le large et il est activement recherché par la police, précise ce quotidien en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.